Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui retrace l'actualité sportive de la semaine. Au programme aujourd'hui, Marie analysera le triste match nul concédé par le 15 de France contre l'Italie dans le tournoi. PA reviendra sur la folle semaine vécue par le TFC entre élimination en Europa League et succès face à Lille en Ligue 1. Thomas décryptera en bref les 5 infos qui l'ont marqué. Et on partira ensuite pour la Corée avec Clément qui nous contera les exploits bleus en ping, avant qu'Agnès et Arthur s'affrontent dans le débat autour de l'équipe de France de basket. Vous en avez maintenant l'habitude, on terminera l'émission par notre traditionnel quiz, j'espère que vous avez bien révisé. C'est un génie ! Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France ! La victoire de Pierre Garcia, il l'a fait ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et commençons par les choses qui fâchent, Marie. Dimanche, l'équipe de France de rugby est passée à un poteau de la défaite face à l'Italie, 13-13, si l'ouvreur de la Nationale n'avait pas manqué la pénalité de la gagne à la 80e. Oui, un match nul dans tous les sens du terme, et des bleus décevants. En 49 confrontations, il n'avait jamais concédé le match nul face à l'Italie, et il aura fallu un coup du sort pour ne pas voir les bleus sombrer. Pratiquement face au perche, Paolo Garbisi a la victoire au bout du pied, mais le ballon tombe, et dans la précipitation, l'ouvreur va manquer la pénalité. On en restera à 13 partout. Après une raclée face à l'Irlande et une victoire miraculeuse face à l'Écosse, les Bleus devaient retrouver de la confiance face à ces Italiens. Les Bleus sont entrés en première mi-temps plein d'envie, des libérations de jeu propres et rapides. La faute à une ligne arrière qui a balbutié son rugby et le coup de grâce, le carton rouge contre Jonathan Danty. Les Bleus ont disputé la deuxième mi-temps à 14. La mécanique s'est enrayée. Ils ont subi les assauts de la Nationale. Les Bleus ont rendu une copie très moyenne. Galtier ne peut plus être dans le déni. Les Bleus n'ont plus le niveau qu'ils avaient encore il y a quelques mois. On se rappelle que les Bleus s'étaient imposés 60-7 contre ces mêmes Italiens pendant la Coupe du Monde. Que s'est-il passé depuis ? Déjà, ce qui fait la différence, c'est l'efficacité de l'équipe de France qui a disparu. Les années précédentes ont vanté l'efficacité française. Il ne leur fallait que quelques ballons pour marquer. C'était la stratégie de la dépossession. Depuis le début du tournoi, et encore plus contre l'Italie, les Français ne savent plus marquer. 33 défenseurs battus, 70% d'occupation en première mi-temps, et les Bleus ne sont allés derrière la ligne qu'une seule fois. Une autre erreur à mettre en avant côté français, leur inefficacité sur les duels aériens. On s'en souvient encore, c'est sur ce point que s'est joué le quart de finale contre l'Afrique du Sud, et les Français n'ont pas franchement progressé depuis. Le triangle arrière est très souvent sous pression et en retard pour récupérer ses ballons. Être performant dans les duels aériens est devenu indispensable pour rivaliser avec les meilleures nations du monde, et on a vu cette différence contre les Irlandais. En parlant du match contre l'Irlande, on a vu une énorme différence de niveau entre les deux équipes, et notamment dans l'intensité physique qui était pourtant notre point fort il y a quelques mois. Les Bleus sont largement en dessous physiquement, une différence flagrante avec les autres équipes. Même si le sélectionneur nous explique par A plus B que les datas sont bonnes, que physiquement les joueurs sont prêts, dans les faits, c'est différent. Les joueurs se déplacent moins, ont du mal à se replacer, notamment les avants ou la paire de centres. Et ce déficit physique rend la défense française plus friable et les rucks moins efficaces. Autant de points qui peuvent expliquer la baisse de niveau du 15 de France. Est-ce que l'absence de plusieurs joueurs cadres comme Dupont est l'unique explication ? On pourrait parler des absents, Antoine Dupont ou autres, comme Romain Ntamack, Méafou, Flamand et bien d'autres. Mais le niveau catastrophique de ce 15 de France ne peut pas seulement être imputé à l'absence de quelques joueurs. Je préfère parler du staff et de leurs choix. Après la Coupe du Monde, le staff a bien changé. Au revoir Thibaut Giroud pour la préparation physique partie à Bordeaux et la paire Ghezal Labit, maintenant au Stade français, remplacée par Arletas, Sampere et Jean-Jean. On pourrait bien penser qu'il y a un lien. Pour les touches d'une part, les lancements ont été totalement changés et contre l'Irlande, on a vu des joueurs perdus et qui ont perdu beaucoup de ballons. Ensuite, depuis 2 ans, comme je l'ai dit, on louait l'attaque française. Alors oui, il y a des absents, mais les joueurs qui les ont remplacés sont dans les meilleures attaques du top 14, à savoir Bordeaux ou Toulouse. Alors on est légitime de penser que cela peut venir des consignes de Patrick Arletas en charge des lignes arrières. Après 3 matchs très décevants et le tournoi d'ores et déjà perdu, est-ce que c'est le moment pour Galtier de tout changer pour les 2 dernières rencontres face au Pays de Galles et l'Angleterre ? Depuis le début du tournoi, Galtier a gardé la même équipe et c'était seulement en cas de blessure qu'on voyait de nouveaux joueurs. Exit la politique de la forme du moment, il a gardé les mêmes joueurs et a été plutôt conservateur dans ses choix. Au bout de 3 matchs décevants pour la première ligne, la deuxième ligne, la charnière et la paire de centre, il serait temps de s'interroger sur la légitimité de ses choix. Maintenant que les Bleus n'ont pratiquement plus rien à jouer dans ce tournoi, Danty suspendu et Jalibert blessé, le sélectionneur va être obligé de faire venir d'autres joueurs. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure occasion de faire jouer des jeunes et essayer de préparer l'avenir, comme les jeunes Tulagi ou Boudéan, les seuls qui ont apporté dans ce match infâme contre l'Italie ? Alors pourquoi ne pas lancer les champions du monde moins de 20 ans qui réalisent un très bon début de saison, à l'instar de Gaëtan ou de Porter au centre ? Le 15 de France ira dans 15 jours à Cardiff, on verra si les Bleus rectifient les choses ou continuent de sombrer un peu plus dans le vide. Rendez-vous donc dans l'hostile Principality Stadium de Cardiff dans 2 semaines. Merci beaucoup Marie, on passe au Réjournal. Et cette semaine, on va parler des derniers jours mouvementés du TFC entre la fin de l'aventure européenne et la course au maintien qui pourrait prendre une autre tournure suite aux derniers résultats. Mais PA, on commence par cette élimination au goût amer pour les Toulousains. Ça fait bizarre dans la tête, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la compétition, confiait Carles Martinez Nouvelle au journal L'Équipe ce vendredi. Et la semaine n'a pas été facile, la tête de Spierings reste et restera sûrement en travers de la gorge des supporters toulousains. Battu 2-1 au match aller chez les Lisboètes, les Violets n'ont pas réussi ce jeudi à se qualifier avec ce malheureux 0-0 au Stadium. Alors, une élimination certes, mais un match qui servira sûrement à emmagasiner de la confiance, que ce soit sur la scène européenne ou sur la scène nationale. Parce que même Damien Comolli le disait à la Dépêche, c'est un 0-0 qui va nous donner de l'espoir, on a été meilleur que Benfica. Une équipe certes éliminée, mais qui a enfin trouvé un système de jeu qui lui convient. Après Reims et Monaco, le TFC a battu un troisième club du top 10, Lille, ce dimanche après-midi. Il est maintenant l'heure de se retrouver vers le haut du classement pour le TFC, qui compte 3 victoires sur les 4 derniers matchs de championnat. Et on commence à sentir que les joueurs du TFC ont pris la pleine mesure de l'enjeu en championnat. Face au LOSC, les joueurs de Nouvelle, complètement à l'envers au début du match, ont logiquement concédé l'ouverture du score en fin de première période. Hakon Haraldsson inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 avec le LOSC d'une belle frappe enroulée, juste avant la pause, 1-0. Le coaching du technicien espagnol a fait la différence lors du second acte. Il a remplacé Schmidt par Siro, Babika par Gboho et Gelaber par Dainga. Et les entrants ont parfaitement fait le travail. Mawissa Elebi a égalisé à la suite d'un corner de Siro, prolongé par Magri, 49e. Puis Gboho a obtenu le pénalty transformé par Siro, 59e. Et enfin Dainga est venu parachever le succès du TFC en marquant le troisième but sur un service de Gboho, 66e, 3-1. Une équipe avec un système de jeu new look, une défense à 5, symbole du renouveau des Violets. Mais quelle perspective maintenant pour les Toulousains ? En conférence de presse, le coach espagnol, humble mais aussi réaliste, se dit vouloir avancer étape par étape pour la fin de saison. Car le TFC compte désormais 10 points de retard sur Lens, encore 12 sur Lille, 5e. Une course au maintien de folie prise pied au plancher par les Toulousains qui rêvent de plus. La semaine prochaine, les Violets recevront un Nice pas franchement emballant depuis quelques matchs qui n'a pu faire mieux qu'un 0-0 à domicile face au valeureux Clermontois. Et pour voir encore plus loin, ils se déplaceront ensuite au Havre, qui a rétrogradé à la 14e place, et recevront Lyon pour le compte de la 26e journée. Alors, seulement 4 jours après l'élimination en Ligue Europa, le club toulousain pourrait à nouveau, pourquoi pas, rêver d'Europe. Merci PA pour cet état des lieux, c'est l'heure de l'actualité en bref. Et pour commencer Thomas, Antoine Dupont a fait ses premiers pas avec l'équipe de France à 7 ce week-end à Vancouver. Pour son premier tournoi, Dupont a rayonné lors d'un quart de finale contre l'Irlande en inscrivant un essai décisif lors de la victoire 12-5. Alors même si les Bleus sont tombés au tour suivant face à la Nouvelle-Zélande 28-26, la rentrée du capitaine toulousain a été remarquée. Il a créé des décalages et motivé ses partenaires pour revenir de 28-12 à 28-26 score final. On a hâte qu'il soit à son top à 7, a déclaré Stéphane Parez, demi de mêlée des Bleus. Un autre Français que l'on devrait voir au JO cet été a réalisé une performance majeure cette semaine, Victor Wembanyama. Le 5x5, vous connaissez ? Performance rare en basket que notre Français des Spurs a réalisé. 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 contres et 5 interceptions de ballon, il est le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser cet exploit. LeBron James certifie que Wemby n'a pas de plafond, il a même enchaîné 2 matchs à 5 contres et 5 interceptions, c'est simple, seul Michael Jordan peut se vanter d'avoir fait un tel exploit. Un mot de football à présent, l'équipe de France féminine s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations. La France en finale, un très bon match de nos Bleus face à l'Allemagne vendredi à Lyon. Une victoire 2-1 grâce à des buts de Khadidia Toudiani et de Sakina Karchaoui sur pénalty. Mercredi, les joueuses affronteront l'Espagne à Séville. Le match s'annonce difficile face aux championnes du monde en titre. Les Bleus vont tenter de remporter leur premier titre de leur histoire. En Ligue 1, l'OM va mieux tandis que le PSG est accroché et Mbappé remplacé. L'OM respire après une victoire synonyme de qualification cette semaine en Coupe d'Europe. Marseille a battu Montpellier 4-1 dimanche soir. Pour la première de Jean-Louis Gasset au Vélodrome en championnat, les Marseillais assurent l'essentiel. Le PSG a arraché un match nul dans les tout derniers instants du match face à Rennes sur pénalty. Un match terne des Parisiens où Kylian Mbappé a été remplacé à la 65e minute. On vous parlait de sa grandeur au PSG la semaine dernière. Luis Enrique a déclaré « Tôt ou tard, nous devrons apprendre à jouer sans Kylian Mbappé. » Finissons par du handball, le PSG a vraisemblablement mis fin au suspense dans la course au titre de champion de France. Oui, en Ligue 1 de football comme en handball, le PSG devrait être champion. En battant le 3e au classement Montpellier, le PSG prend de l'avance avec désormais 6 points de plus que son dauphin Nantes. Victoire 31-26 sur les Héraultais. Le nonuple champion en titre est toujours invaincu cette saison à 12 journées de la fin de la saison. Merci beaucoup Thomas pour ce tour d'horizon. On accueille désormais Clément pour sa carte blanche. Allez Félix. Magnifique, magnifique, Félix Lebrun. Pour la troisième fois de leur histoire, les Bleus du Ping ont décroché une médaille mondiale par équipe en Corée, un exploit à la hauteur de nos attentes. Imaginez-vous porter votre pays en finale des championnats du monde avec votre frère. Un rêve pour beaucoup d'entre nous, mais bien une réalité pour Alexis et Félix Lebrun. L'équipe de France de tennis de table a réalisé une performance exceptionnelle en atteignant la finale des mondiaux par équipe, ce qui n'était plus arrivé depuis 1997. Et les deux frères montpelliérains ne sont pas étrangers à cet exploit. On a vécu 10 jours de folie grâce à nos pongistes français. Clairement, Paul, à Busan, en Corée du Sud, on peut dire que les Bleus étaient dans le bon wagon. Dès la phase de poule, on a senti une étincelle se déclencher chez les hommes de Nathanaël Molin, le capitaine de cette équipe de France. Les pongistes tricolores ont réalisé un sans faute. Victoire 3 manches à 0 face à l'Algérie, l'Autriche et l'Australie, puis 3-1 contre le Danemark. Et après avoir balayé la Pologne en 8e, les frères Lebrun et Simon Gauzy ont écarté le Portugal en quart 3 manches à 1 pour s'offrir une place dans le dernier carré. Avec un facteur X nommé Félix Lebrun. Quand l'équipe de France a été en difficulté, le prodige de 17 ans a toujours répondu présent et il s'est imposé en véritable patron de cette équipe. Son style de jeu rapide et offensif a fait des ravages en Corée. Face au Danemark et au Portugal, c'est lui qui a à chaque fois remporté le 4e match décisif. Le droitier a assumé son statut. Classé 6e mondial, il est le premier européen et premier non-chinois. Et du coup, pour la demi-finale face à Taïwan, Félix était attendu au tournant. Et il n'a pas déçu. Comme au tour précédent, il a d'abord remporté son premier match avant de battre le numéro 8 mondial Yun Julin pour offrir à la France une qualification historique en finale, inimaginable il y a quelques années. Avant la finale, Féfé a remporté les 10 matchs qu'il a joués. C'est tout simplement monstrueux. La marche était cependant trop haute face aux Chinois qui dominent ce sport quasi sans partage. Et oui Paul, les Bleus faisaient face à la Chine, véritable mastodonte du tennis de table. Depuis 1993, les Dragons ont toujours atteint la finale du championnat du monde par équipe. Pire encore, ils restent sur 10 titres consécutifs et n'ont pas perdu depuis 2000. Les frères Lebrun n'étaient même pas nés. Mais il y avait de quoi rêver. Déjà parce que la France compte l'une des meilleures générations de son histoire, ensuite parce que la Chine a été malmenée en demi-finale face à la Corée du Sud, mais aussi parce qu'Alexis Lebrun avait déjà battu le numéro 1 mondial Fan Zhengdong. Alexis était proche de rééditer son exploit du mois d'avril dernier, mais après avoir mené 2-7 à 1, le frère aîné a laissé passer une balle de match avant de finalement s'incliner, comme Félix juste avant face à Wang Chukin. Au final, face aux 3 meilleurs joueurs mondiaux, ça donne une lourde défaite 3-0 pour les Bleus, qui repartent tout de même avec les honneurs et une belle médaille d'argent. Ça reste de bon augure tout de même pour le futur, surtout à l'approche des Jeux. Bien sûr, malgré la défaite, il faut relativiser. Ça reste une performance incroyable qui témoigne du niveau actuel du tennis de table français, porté par deux frères de 17 et 20 ans. Si on ajoute à ça la 4e place de l'équipe féminine menée par Pritika Pavadé, âgée de 19 ans, on peut espérer de très bonnes choses pour les Jeux Olympiques dans quelques mois à Paris. Prochain arrêt Paris donc pour nos Bleus. Merci Clément, place désormais au débat. L'équipe de France de basket a beaucoup déçu lors des championnats du monde. Elle joue en ce moment sa qualification pour l'Eurobasket. C'est le débat de la semaine. Est-ce que le futur de la sélection est menacé? Toi Arthur, tu n'es pas très optimiste. Non, pas trop Paul. À court terme pour les JO, je pense qu'on arrivera à avoir une équipe compétitive, mais je doute qu'on fasse des étincelles. Après, tout est possible hein, si on a Wembanyama avec nous, mais c'est sûr que je ne m'attends pas à de grands miracles. Mais en fait, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est l'après-JO, parce que Batum arrête après Paris 2024, donc ça marque la fin d'une ère, et j'ai pas l'impression que la nouvelle génération ait les épaules pour reprendre le flambeau. Du moins, pas encore. Surtout le poste de meneur, on n'a plus vraiment de vrais meneurs organisateurs dans la jeune génération, et moi, je trouve que ça craint. Agnès, ton avis sur la question ? Moi, je me fais aucun souci. Déjà, on a Wemby, rien que ça. Ça doit suffire à être serein pour le futur. Mais en plus, on a beaucoup de jeunes qui arrivent, comme Zachary Richter de Bourg-en-Bresse. En plus, la génération 95 est là pour rester encore quelques années, comme Gerson Yabusele, Mathias Lessor, Timothée Louahou Kabaro ou bien Damien Inglis qui vont tenir la baraque encore un moment. Je suis d'accord avec toi. Sur la génération 95, il y a du beau monde. Mais pour moi, ce ne sont pas des joueurs qui peuvent changer la physionomie d'un match. Peut-être Yabusele dans un grand jour, mais c'est plutôt rare. Pour lui. Et puis là-dedans, en fait, dans les joueurs que tu as cités, il n'y a pas de meneur. On a dans l'effectif de l'équipe de France qu'Andro Albici ou Nando De Colo, mais ils sont sur la fin, ils ont respectivement 34 et 36 ans. Après, sur la jeune génération, je vois personne encore capable de tenir la baraque, comme tu dis. Il y a Mathieu Strazel, né en 2002, mais c'est pas un vrai meneur, c'est plus un arrière, un mec qui va apporter du rythme. Nadir Ifi aussi, c'est un peu la même chose, mais un vrai métronome qui pose le jeu et qui donne le tempo, il n'y en a pas. Donc peut-être Hugo Benitez de la JL Bourg, mais pour les grands rendez-vous, je ne sais pas s'il est encore prêt. Moi, je ne pense pas qu'avoir un vrai meneur soit vraiment primordial. On a quand même du monde à tous les postes, et même les meneurs apportent leurs petites touches. Sylvain Francisco ou Eli Okobo, qui sont des meneurs qui shootent beaucoup, peuvent faire du bien offensivement. Oui, mais il faut quelqu'un pour mener la barque, pour ralentir le jeu ou l'accélérer quand il le faut. Pour moi, de la nouvelle génération, personne n'est capable de faire ça réellement. Moi, je pense que dans le basket d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les meneurs sont moins importants. C'est les 5 joueurs sur le terrain qui comptent. Et là, on pourra avoir des ailiers de qualité, complets, qui shootent, qui défendent, tout comme à l'intérieur. La France est un grand pays de basket et va le rester. En tout cas, j'espère que je me trompe, mais j'ai peur qu'on vive une période assez molle de transition et c'est peut-être tombé pour mieux se relever. On espère en tout cas que l'équipe de France sera au rendez-vous pour les JO. Merci à vous deux. On passe au quiz. Ah oui, la bonne courage. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est meilleur. Ah, si il est un peu répond parce qu'il est... Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois il me gonfle. Des fois il me gonfle. Et pour le quiz d'aujourd'hui, à ma droite, Arthur et Clément, à ma gauche, Péa Thomas. Ça va les gars? Oui, ouais, tranquille. Petit rappel des règles, pas de réponse avant la fin de la question. C'est parti. Première question rugby. Avant le match de ce week-end face à l'Italie, le dernier nul concédé par le 15 de France à domicile remontait à 2017. Mais face à quelle équipe? L'Angleterre? Le Japon. Pays de Galles. Oui, bonne réponse de Thomas. Match nul 23-23 en 2017, c'était d'ailleurs le premier match de rugby organisé à la U Arena. Deuxième question, 1-0 pour PA et Thomas. Deuxième question, les Bleus du Ping ont donc décroché leur troisième médaille mondiale par équipe. La première remonte à 1948. Quelle équipe les avait alors privés du titre? La Chine? La Corée? Non. La Suède? Un pays de l'Est européen. Hongrie. La Bulgarie, Hongrie. La Bulgarie, URSS. La Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie, non, le SSSR, enfin le la Pologne, Tchécoslovaquie. Bosnie. Oui, bon, deuxième bonne réponse de Thomas, la Tchécoslovaquie. La Yougoslavie, grand pays de l'époque en ping. 2-0 pour Thomas et PA. Troisième question. Liverpool a remporté la League Cup face à Chelsea. C'est le combientième trophée remporté par Jürgen Klopp? Dixième. Avec les Reds? Dixième. Non. 12e. 11e. 13e. 14e. 15e. Non, mais Joachim. 5e. 8. Plus. 8. 21. 16e. 8. 20. Bonne réponse de Clément. Non, les gars. Huitième trophée remporté par Jürgen Klopp qui va quitter les Reds à la fin de la saison. Non, PA, tu ne l'as pas dit, c'est Clément qui a donné la bonne réponse. Quatrième question. Pouvez-vous me donner le numéro que portait Antoine Dupont lors du tournoi de Vancouver à 7? 25. Ah, j'ai dit en premier. T'as dit 27, non? J'ai dit 25. Bonne réponse. Bonne réponse de Joachim. Les gars, ça fait deux. Bonne réponse validée pour Arthur. Vous revenez à deux partout. C'est serré. Dernière question décisive. Pour les puristes. On sait que Leverkusen est invaincu cette saison, toute compétition confondue. Contre quelle équipe le club s'est incliné pour la dernière fois en match officiel? Fribourg. Mayence. Mönchengladbach. Le Bayern de Munich. C'était lors de la dernière journée de championnat la saison passée. Werder Bremen. Non. Wolfsburg. Stuttgart. Petit indice. Offenheim. C'est les champions de Bundesliga 2 en 2020-2021. Le VfL Bochum. Union de Berlin. Oui, oui. Ah, excellente réponse de PA. Et PA et Thomas qui remportent ce quiz. 3 points à 2, bravo messieurs. La victoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 14e épisode de la saison. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. A bientôt sur JT Sport. Olivier.